Baissons la tête, prions. Père, merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour cette autre journée encore que tu nous donnes. Merci, Père de gloire, nous croyons que tu nous conduis toujours dans la vérité. Car tu as promis que quand ton esprit viendrait, il nous conduirait dans toute la vérité. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de corriger tout ce qui était de mauvais dans nos vies et de vivre, ô Dieu de gloire, tous les jours de notre vie sans tache ni ride en attendant la venue de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Avec ce peuple encore devant toi, Père, nous venons te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu nous donnes de comprendre maintenant. Merci pour les nouvelles orientations et pour le recadrage de notre vie que tu nous as accordé maintenant. Donne-nous d'être sérieux avec nous-mêmes et envers toi. De vivre, Père de gloire, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à toi seul qui es venu à la croix et mourir pour nos péchés. Que ton nom seul soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à Libreville. Bonsoir, Frère Junior. Oui, je suis à votre service. Oui, Frère, j'avais une question par rapport au parlant langue. Oui. Dans 1 Corinthiens 14, là-bas, l'apôtre Paul donne les instructions sur le parlant langue. Il dit que dans une assemblée, il y a 2 ou 3 personnes qui parlent en langue. Oui. Et à condition qu'il y ait une personne pour interpréter. Oui. Dans ce cas, ceux qui parlent en langue feront bien de se taire. Oui. Sinon, s'il n'y a pas d'interprète. S'il n'y a pas d'interprète. Qui se taise. Oui. Qui se taise. Mm. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que le parler en langue devient maintenant. J'ai même vu quelque part dans certains églises, on apprend même le parler en langue. Mm-hmm. On apprend. Mm-hmm. On change le parler en langue. Et je me pose la question, mais de savoir, mais d'où véritablement il tire ça et comment ça se fait. Parce que je ne comprends pas. Mais tu as eu à rencontrer ces pasteurs-là, hein? Face à face. Oui. Non, mais il ne donne aucune explication. Il dit c'est le parler en langue. Mais okay. Et aucune... Là, je vous pose une question. En ayant observé qu'on apprend même à parler en langue, le don spirituel, s'apprend-il? Non. Est-ce qu'on peut apprendre à guérir quelqu'un? Non. C'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas un don de Dieu. Parce que le don de Dieu vient directement de Dieu. On ne t'apprend pas. Le don spirituel. D'accord. En fait, le brrr que tu entends là, ce n'est pas ce que la Bible appelle papa en langue. Ce n'est pas ce que la Bible appelle papa en langue. Quand tu entends charabarabarabar, charabarabar, ce n'est pas ce que la Bible appelle papa en langue. Ça n'a rien à voir. Oui. Vous fait, tu veux qu'il fasse comment? Oui. Et pour revenir un peu à... Oui. Et pour revenir un peu par rapport à la Bible. Oui. Ici, suis attentivement. Je me rends compte que dans les actes des apôtres, oui. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, écoutez très attentivement. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, oui. Et quand ils sont sortis de la chambre haute, oui. Ceux qui les écoutaient disaient qu'ils écoutaient chacun de parler en sa propre langue. Voilà ce qu'on appelle le parler en langue. Ça veut dire que si je suis peut-être de Franceville, oui. J'entends. C'est que l'autre dit. Il n'est même pas de Franceville, mais il parle en langue. C'est ce que la Bible appelle parler en langue, pas l'autre que vous avez aujourd'hui. Mais là, maintenant, tu viens de confronter la Bible avec ce que vous voyez sur le terrain. La Bible appelle donc ça parler en langue. Pas ce que les pasteurs font là maintenant. D'ailleurs, il y a les enseignements à l'issue. L'introduction sur le parler en langue. Et j'avais une deuxième question. Posez votre question sur votre service. Et je disais que j'étais quelque part, oui. Avec des amis. Oui. Et ce monsieur qui était venu pour un séminaire. Qui s'affrait? Comment il s'appelle? C'était Bianca Manoré. Qui? Bianca Manoré. Attends, Marcel, tu as crié ça sur ton frère? Ah, ok. Il croit qu'il t'a aussi fait du bien. Il t'a aussi fait du bien. Il était à Libreville, il habitait à Rapporopotongo. L'hôtel qui était à rénovation. Mm-hmm. Il venait d'où? Du Cameroun. Ok. Et il s'appelle comment? Bianca Manoré. Bianca Manoré. Oui. Il a son ministère ici aussi. Non, il était invité à Bay Raconte. Va au Raconte. Il y a Bay Raconte aussi ici. Oui, j'ai laissé moi. Donc tu as laissé moi aussi ici au Gabon. En fait, c'est l'une des églises qu'il a laissé, c'est puisqu'il ne vient plus au Gabon. Ok. Donc, et cela, ce monsieur a quitté le Cameroun pour son assemblée là-bas. Voilà, en fait, on disait c'est lui qui l'avait envoyé. Ok. Uh-huh. Puisqu'il ne pouvait plus venir ici, il ne vient plus d'abord ici, donc il l'avait envoyé. Pourquoi il ne vient plus? Ben, il a eu certains problèmes ici et puis. Il a décidé de ne plus mettre pied. Il a eu l'interdiction de revenir au Gabon. L'État, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes au courant de ça, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, bon. L'histoire n'est pas trop claire parce que c'était à bouche à oreille, tout ça, on ne sait exactement pas ce qui s'est passé. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que cet homme est venu là-bas, il avait un séminaire. Mm-hmm. Et j'étais avec certaines personnes et ces gars-là avec qui on était, puisqu'il recevait les gens à l'hôtel. Mm. Et d'après ceux qui étaient partis. Attends, le séminaire s'est passé à l'hôtel. Non, le séminaire s'est passé à l'église, mais il recevait à l'hôtel. On le loge à l'hôtel. On le loge à l'hôtel. Et c'est là où il reçoit. Voilà, c'est là où il reçoit. Donc, si quelqu'un veut le voir dans la journée, il part là-bas. Oui. Voilà. Donc, ces gars avec qui j'étais sont partis là-bas. Oui. Et il disait que. Il disait à un acte, non, Dieu t'appelle à le servir. Oui. Et quand le gars arrive dans là-bas, on payait les consécrations. C'est-à-dire quoi? Quand c'est payé comment? On si lui donne l'argent. Servir Dieu, si Dieu t'appelle à le servir. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tu pars là-bas, tu payes la consécration. Tu payes l'argent, il te consacre. Oui, il te consacre. C'est-à-dire tu veux servir Dieu, tu le payes, il te consacre. C'est terrible, hein? Et le montant de la consécration, je pense que celui-là m'avait dit c'était à la hauteur de 700 000. Et donc quand le gars a payé 700 000 francs, il a payé. Les gens ont payé. Il a payé et on l'a consacré. Il le consacre comment, au juste? Mais consacré comme lui, comme Samuel avait fait, ils vont vous dire comme Samuel avait fait avec David. Donc, en fait, il a consacré le gars. Oui. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'au sortir de là, le gars pouvait déjà te donner les versets de la Bible sans même voir. Oui. Le gars pouvait déjà prêcher. Donc, quelque chose lui est arrivé. Quelque chose lui est arrivé. Et il a acheté ça à 700 000. Le gars pouvait déjà prêcher. En fait, je me suis rendu compte que le gars fait exactement comme le pasteur là. Comme lui. Voilà. Ça veut dire qu'il lui a donné quoi? Je me suis rendu à un moment que pendant qu'il était là, soi-disant envoyé par Isomba, donc il cherchait déjà à implanter une église ici. Pas pour lui-même. Pour lui-même, à son nom. Donc, je ne savais pas que le gars qu'il avait consacré, n'est-ce pas, il devait l'utiliser comme étant son premier pasteur ici. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Oui. Et celui-là, il était avec toi. Il était avec moi. Fini de parler, mais repose la question maintenant, comment après ça votre relation a eu lieu? Continue. En fait, le gars était avec moi. Je me suis rendu compte que après ça, quand il est parti, le gars me dit un jour, mais je gère maintenant une cellule du côté de IAI. Indique-moi où la cellule se trouve. L'IAI, c'est le carrefour qui a donné le nom au centre informatique interafricain là. Oui. En fait, donc, il y a un quartier, ce qu'on appelle IAI. L'IAI. Voilà. L'IAI. Donc, le gars avait déjà une église là-bas. Oui. Il m'a donc invité là, je suis parti. Quand je vois le gars faire, c'est la même chose que lui. Oui, il faisait. Il faisait. Oui. Et tu te demandes à quel moment il a appris tout ça. Je me pose, mais à quel moment est-ce qu'il a appris ça? Qu'est-ce qui se passe? En fait, toute la prédication de tout conçu du sacrifice, offrande, marché, parti, patata. Alors qu'avant, il ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, et j'ai trouvé ça normal. J'ai commencé à dire au gars, non, s'il te plaît, parce que là, je vois que les choses, ça là, ça me dépasse déjà. Donc, ce qui fait que notre relation, vraiment, ça. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté. Donc, quand on se voit, on se dit bonjour, bonsoir, mais vraiment, histoire du ministère ou de. L'église, tout ce qui est. Donc, finalement, il est grand homme de Dieu maintenant ici. Mais il est grand homme de Dieu. Et beaucoup de personnes vont là-bas donner le sacrifice. Beaucoup de personnes, puisque c'est de ça qu'il prêche. C'est ce qu'il. En fait, il vous amène dans la Bible. Il vous torture l'esprit avec les passages bibliques. Ça, c'est une conspiration mondiale, dirait quelqu'un. En fait, je voudrais savoir, mais comment ça s'explique? Comment ça peut se faire? La Bible, ta Bible, dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Les versets 4 et 5, que si vous écoutez un autre évangile, vous allez recevoir un autre esprit parce qu'on vous a donné un autre Jésus. C'est ce que la Bible installe. C'est pour ça qu'ils prêchent un autre Jésus. La Bible déclare qu'ils sont ennemis de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lisons un truc qui les caractérise. Maintenant, ouvrez Philippiens chapitre 3. Philippiens. Donc c'est fort ici comme ça. Et il sort du Cameroun. Ça veut dire que ce que celui-là verse sur lui, il sait où il a pris, ça n'est pas vrai? Je vous recommande d'écouter l'enseignement là sur Bamba Iba. Le titre c'est Connais-tu ton pasteur? Oui. Connais-tu ton pasteur? Ou bien vous en prenez là-bas au frère. Sur YouTube, vous êtes sur YouTube, tapez Bamba Iba. B-A-M-B-A. B-A espace Iba. Vous regardez dans l'enseignement Connais-tu ton pasteur? Ou bien vous demandez au frère Fulbert de vous en donner des enseignements, vous en prenez, vous écoutez. Vous allez voir d'où ils prennent l'huile dont vous utilisez là. Donc ils utilisent là. Philippiens, après Éphésiens. Vous regardez Éphésiens, après vous ouvrez Philippiens. Chapitre 3, lisez-moi le verset 16, 17, 18 et 19. Allons-y frère. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc la Bible déclare ici que les chrétiens doivent porter les regards sur ceux qui marchent d'après les modèles qu'on a vus dans les apôtres. Mm-hmm. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que vous devez regarder les pasteurs, les croyants sur la terre qui vous conduisent, vérifier s'ils vivent comme les apôtres ont vécu. Portez les regards sur ceux qui marchent d'après les modèles que vous avez vus en nous. Il va expliquer le pourquoi il le dit maintenant. Continuons. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Vous entendez ça? Mm-hmm. Uh-huh. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Où est-ce que, comment le cœur de l'apôtre Paul était touché? Parce que les prédicateurs et les faux là n'étaient pas, c'est pas maintenant qu'ils viennent. Depuis le temps des apôtres Paul, quand ils étaient physiquement là, ils étaient là. Continuons. Leur fin sera la perdition. Oui, et après il va maintenant donner les caractéristiques, comment reconnaître ces genres de personnes. Parce qu'il a dit premièrement, reconnaissez donc que vous portez les regards sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous, n'est-ce pas? Mm-hmm. Puis il va maintenant donner les caractéristiques. Comment ils marchent d'après un ennemi de la croix de Jésus? Comment est-ce qu'ils marchent en ennemi de la croix de Jésus? Il va répondre à la question. Allons-y. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc quand ils prêchent, parce que la prédication conduit les gens vers Dieu. Mais leur prédication conduit vers leur Dieu. Et leur Dieu est où? Le ventre. Le ventre. Ça suppose donc que quoi? La prédication tourne autour du ventre. Oui. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent aux choses de la terre. Sous lui. La version top dit quoi là? La version top. Leur fin sera la perdition. Oui. Leur Dieu, c'est leur ventre. Oui. Et leur gloire, ils la mettent dans leur honte. Oui. Eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas? Je crois que tout est fait dans la Bible pour que vous ne ratez pas les faux prédicateurs. Tout est fait dans la Bible. Si vous ratez, ça veut dire que vous-même, vous êtes destiné à être dans la fausseté. Et à les suivre. Si malgré tant d'avertissements qui est dans la Bible, on ne peut plus clair, vous parvenez à tomber là-dedans, c'est que vous êtes destiné pour la perdition, simplement. On dit clairement que leur prédication tourne autour de ce qui va tourner autour de la terre. Mais plus, maintenant, il va maintenant le deuxième volume, maintenant dit que, mais nous, allons-y. Mais notre cité à nous, oui, est dans les cieux. Dans les cieux. Ça veut dire que notre cité à nous est dans les cieux. Ça veut dire que nous regardons, fixons vers les choses d'en haut. C'est ce qui va réitérer dans Colossiens chapitre 3, verset 1, que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis à la gloire de Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Donc ne pas chercher loin l'huile qui met sur eux là. Encore que la consécration, il faut que si on touche le mot consécration. Les pasteurs de la Bible, si vous voyez un pasteur qui forme les pasteurs, comme ils disent là, un pasteur ne forme pas les pasteurs, ce n'est pas leur rôle là-bas. Vous comprenez cela? Ce n'est pas le rôle des pasteurs, de former les pasteurs. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Un pasteur qui finit de faire comme ça, il donne les touches. Vous voyez, les gens sortent, on met l'huile sur eux. C'est la sorcellerie qu'on vous fait devant vous comme ça. Ça ne se trouve pas dans cette Bible-ci. Il fait de plus. La consécration n'a rien à voir avec cela. Oui. En fait, moi, ça ne me laisse pas, quoi. Oui. J'ai écouté un pasteur qui disait que il expliquait aux gens que les gens doivent prendre la paix en lèvrement. Et vivre sur la sainteté, quoi. Oui. Puis, bon, c'est que les sectes par les jardins, par les jardins, mais disaient qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'église. Oui. Bon, l'époque de qui? L'époque des. À cette époque, il y a ce qu'on appelle l'église. Oui. Pour l'église, le bâtiment. Mm-hmm. C'est comme moi dehors là. Oui. Donc, il y a une époque, dans le futur, mm-hmm, ils vont devenir à l'église primitive. Oui. Je voulais savoir, est-ce que ça a un sens, l'église primitive? Quand on parle de l'église primitive, on parle de l'église comme les gens ont vécu. Quand on dit primitive, ça veut dire que premièrement, dans la première église que le Seigneur Jésus a mis sur la terre. Quand on revient à l'église primitive, ça veut dire qu'on retourne à la parole comme les apôtres ont vécu. C'est ça que ça veut dire. Donc, je veux dire que l'église, c'est un bâtiment. Ça a changé où donc? Où est-ce que ça a changé? Où est la transition? Est-ce qu'il y a un endroit là-bas que c'est prévu que ça devienne une illumination? Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon nom, il n'y aura pas de modification. Les portes du séjour de mon nom ne préviendront point contre elle. L'église du Seigneur Jésus n'a jamais été une illumination. Il ne sera jamais une dénomination. Voilà. Des questions? Oui. Je veux revenir un peu sur le parler en langue. Oui. En fait, je veux savoir, quand quelqu'un qui est déjà en Christ, oui, et qui répète ce charabia-là, oui, ça veut dire qu'il est ignorant. S'il vit en Christ, il ne répétera pas cela. Parce que s'il vit en Christ, ça veut dire qu'il y a l'Esprit de Christ en lui. On a vu ce que c'est qu'être en Christ. Parce que le Saint-Esprit ne fera pas cela. Parce que ce n'est pas ce qu'il fait ici dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous chantez votre hymne national, par exemple. Dans votre hymne national, on parle des sorciers. Qu'il faut le bannir, les sorciers, ces gens-là. Pas vrai, dans votre hymne national, la concorde. Maintenant, dans votre concours, on parle des sorciers. Mais le sorcier lui-même a dit de chanter l'hymne national. Ça a un sens. Le Saint-Esprit ne fait pas cela. Il ne peut pas parler contre lui-même. Parce que la Bible parle de l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc, quand le Saint-Esprit parle, c'est le frère qui a dit que, mais quand on a vu le Saint-Esprit descendre sur l'église la première fois, on les entendait parler. Parce que le parler en langue, c'est l'aptitude, le don que le Saint-Esprit donne à quelqu'un de parler une langue qu'il n'a jamais apprise. C'est pas le charabia. Tu parles le charabia, on te comprend. Parce que Dieu avait prophétisé que c'est par la langue d'un autre peuple qui va parler à ce peuple-là. Dieu avait prophétisé. Le parler en langue a été prophétisé dans le livre d'Isaïe, même, au chapitre 28. Parce qu'il parle par le prophète, il ne comprend pas, par le prophète, il ne comprend pas. Il dit, ok, il veut vous parler par les langues d'un autre peuple. Ce n'est pas par les langues des anges. Parce que quand les anges eux-mêmes viennent sur la terre, ils parlent une autre langue. Il y a d'autres pasteurs qui vous disent que, non, le parler en langue, il faut que vous développez votre parler en langue. Parce que quand vous priez comme ça, là, votre bénédiction, Satan n'entend pas. Les bénédictions viennent. Si vous demandez quelque chose à Dieu, ça vient directement, sans vous voir. Vous blaguez seulement. Vous blaguez vraiment. Vous blaguez. Bon, il y a des enseignements sur le parler en langue. D'accord? Introduction au parler en langue. Et on a, bien. Mais je vais vous dire quelque chose. Le don ne vient jamais avant le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le don, on ne peut pas avoir le don spirituel sans le Saint-Esprit de le départ. Parce que le Saint-Esprit qui accorde les dons. Vous comprenez? Maintenant, vous allez quelque part, on dit, ok, maintenant, il faut que chacun de vous parle en langue. Vous commencez à ouvrir la bouche. Ouvrez la bouche, ouvrez la langue, ça va venir. C'est la sorcellerie. On vous déverse les esprits du deuxième ciel. Comme par exemple, celui qui allait visiter le celui-là à l'hôtel, on a versé quelque chose. Quelque chose est entré dans son corps. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Comme quelque chose était dans le corps de celui-là, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est cela. Alors, on fait attention. Cherchez le Saint-Esprit, pas la langue. Cherchez le Saint-Esprit. Il vous donne le don qu'il veut. Parce que la Bible déclare que tous ne parlent pas en langue. C'est ce que la Bible déclare. Mais dans vos émissions, on dit que si vous ne parlez pas en langue, c'est qu'on n'aurait pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, lui, dit la Bible que si vous avez tous l'esprit de Dieu, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas absolument tout le monde qui parlera en langue. Parce que si tout le monde parle en langue, tout le monde doit prophétiser. Si tout le monde... Pourtant, la Bible déclare, par exemple, que dans Actes chapitre 2, qu'au dernier jour, je défaisais mon esprit sur tout chair, vos fils et vos filles prophétisaient. Mais est-ce que tout le monde qui a le Saint-Esprit prophétise? Donc, ça veut dire que c'est parce que la Bible en train de dire que si ça vient, tout le monde va prophétiser. C'est que ça vient pour amener le message de Dieu. Et le message de Dieu peut être dans plusieurs autres formes. Vous voyez? La Bible déclare que tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Voilà. Ça devait régler le problème. Donc, c'est un pasteur qui tient devant vous dire que non, non, vous ne parlez pas en langue, ma soeur. Il faut qu'il fasse tu parles en langue. Ça veut dire qu'il vient de dire en clair, viens, je te donne mon démon. Oui. Excuse-moi, en fait, j'avais une question par rapport au Saint-Esprit. Oui. Bon, quand Saint-Esprit. Non, j'ai retiré directement cette question-là. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Bon, en fait, voilà, selon le Saint-Esprit que tu as reçu. Le Saint-Esprit que oui. Tu as reçu. Oui. Et selon ton don que tu as, oui. Bon, tu penses que j'ai quel don? Bon, vu ce que tu fais, en fait, que tu me donnes la scène. Ok, okay. Avance maintenant. Bon, en fait, je voulais savoir. Parce que j'ai écouté beaucoup d'enseignements. Oui. Tu as l'habitude de prophétiser. Oui. Tu pries pour les gens. Oui. Je voulais savoir comment agit le Saint-Esprit. Parce que quand il vient sur un être humain, est-ce que c'est spécifiquement quelque chose qui m'a enseigné? Est-ce que je peux faire d'autres choses à part ton don? Bon, maintenant, quand tu regardes l'apôtre Paul dans la Bible, il fait quoi? L'enseigne. Il prophétise. Oui. Non, laissez-le répondre. Il prophétise. Oui. Prophétise. Il guérit. Oui. Non, moi, laissez-le répondre. Moi, j'ai pas lu le guérir. Ouvre Actes chapitre 19. Rapidement. Ouais. Suivez. Actes chapitre 19. Je suis. Lis le verset 9 voix à haute voix. Verset 9 à haute voix. Verset 9. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Séparant les disciples et enseignant chaque jour dans l'école renommée Tyrannus. Là, il fait quoi? L'enseignant. Continue en bas. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Continue, c'est pas fini. Au point où? Au point quand n'appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Regarde-moi, qui faisait ça? Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit agit en chacun comme il lui plaît. Ce n'est pas l'homme qui a le Saint-Esprit qui contrôle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas contrôlable parce que ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient pour t'octroyer quelque chose. Vous savez, là-bas, on a dit que et Dieu faisait des miracles au travers de Paul. D'accord? L'apôtre va venir, il dit que, si tu lis 2 Corinthiens chapitre 10, il dit que j'ai travaillé plus que eux, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est sur moi. D'accord? C'est pas le Saint-Esprit. On ne contrôle pas le Saint-Esprit. On ne commande pas au Saint-Esprit. D'accord, mon cher? Voilà. Donc, le Saint-Esprit vient sur toi. C'est selon le dessein qu'il a pour toi. C'est ça. C'est ici, donc, vous allez regarder la grandeur de Dieu. Le même Saint-Esprit vient à chapitre 2. Il y a les femmes dans l'assemblée, n'est-ce pas? Ils étaient assez envahis, il y avait Marie, la mère de Jésus. Mais vous ne voyez nulle part, c'est le même Saint-Esprit qui tombe sur Marie de Magdala, sur Marie, mère de Jésus, et ainsi de suite. Même Saint-Esprit sur l'apôtre Pierre et autres là-bas, mais pour l'apôtre Pierre, la Bible de caca, il passe, ce nombre guérit. Mais pour Marie, son Saint-Esprit lui dit silence. C'est merveilleux, pas vrai? Les pasteurs d'aujourd'hui, eux, ils disent, quand tu as ton don Saint-Esprit, les femmes, n'étouffez pas le don qui est en vous. Donc les maris, elles avaient tort de rester dans le silence, c'est ça? Parce que le pasteur Jésus dit que non, quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est l'Esprit qui fait, c'est pas toi. Les femmes qui étaient là-bas, ce n'était pas le Saint-Esprit qui était sur eux, c'est l'authentique Saint-Esprit qui était sur eux. Et quand le Saint-Esprit là est authentique, il sait que les femmes doivent rester dans le silence. C'est le Saint-Esprit d'aujourd'hui là sur les femmes là qui sont le faux, ce qui est le faux. Tu vois cela? Donc, quand le Saint-Esprit est venu sur elle, elle est restée tranquille. Tu n'as jamais entendu parler de la femme de Paul, de la femme de Pierre, de la femme de Jean, de la femme de Jacques. Pourtant, ils étaient mariés. N'est-ce pas, frère? Ils étaient mariés. Pierre marchait, il marchait avec sa femme, il partait de la prédication, même avec sa femme. Mais sa femme n'était pas l'apôtre, la prêtresse des femmes. Vous avez compris? Ça ne contamine pas la chose. C'est au pied. Il a dit Pierre, tu es Pierre. Il n'a pas dit votre famille est Pierre. Il a dit tu es Pierre. Sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. C'est à Pierre qui s'est adressé. Il n'a pas dit à Pierre et madame, monsieur et madame Pierre. Il n'y a pas de ministère des apôtres et apôtresses. Ça ne se trouve pas. Comme même son chien apôtre des chiens. Ça ne se trouve pas. C'est leur fausseté d'aujourd'hui. D'accord? Voilà. Vous allez voir chaque personne maintenant aujourd'hui, quand il sort sa femme, si la femme est de l'autre côté de la photo, de l'autre côté de la photo, sa femme prêche, lui-même sa femme est même docteur. Il y a même la classe maintenant parce que sa femme est même docteur. Elle consacre même aussi le pasteur. C'est grave seulement. Donc le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il fait comme il le veut. Et donc là, la Bible déclare qu'à l'un, il lui donne ceci, à l'autre, il donne cela, à l'autre, il donne cela. Tu vas voir que dans l'apôtre Paul faisait cela. On dit qu'il enseignait. Pendant qu'il enseignait, les miracles se produisaient au point où on explique. Or, le miracle qui se produit au travers de l'apôtre Paul, ce n'est pas le même style de miracle qui se produit au travers de l'apôtre Pierre. L'enseignement que le Saint-Esprit travaille au travers de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre écoute l'enseignement et dit que waouh, il y a des points difficiles à comprendre. Mais il ne dit pas que c'est faux. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir te dire que non, le Saint-Esprit qui a enseigné ici est faux. Comprends cela, n'est-ce pas? Il l'analyse, il comprend. La compréhension que le Saint-Esprit lui a donné de comprendre, c'est que ça vient de lui, mais ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour les autres. Il y a des points difficiles à comprendre. Pourtant, il a l'autorité de l'Église. Il a le Saint-Esprit. Mais le même Saint-Esprit ne lui permet pas de comprendre et expliquer ça comme ça. Amen. Amen. Des questions? Oui, je n'ai pas compris. Lorsque tu as dit, le don ne vient jamais avant le Saint-Esprit. Bon, on appelle le don de quoi? Le don, on reçoit ce don de quoi? Le Saint-Esprit. Mais le don, ce n'est pas quelque chose d'inné. Comment? Inné. Ah, là, il faut qu'on corrige là maintenant. La Bible déclare, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevez le don. Ça veut dire qu'on ne naît pas avec. Vous naissez avec vos talents. Les talents sont les capacités naturelles que Dieu vous a disposées pour pouvoir manger de votre la sueur de votre front. Les dons du Saint-Esprit viennent après la repentance au Seigneur Jésus. Et quand vous vous mettez dans le corps. Maintenant, souvenez-vous, les dons se trouvent dans le corps. Vous comprenez? Il n'y a pas de don avant d'entrer dans le corps. Si vous avez le don, vous voyez les choses. Comme on dit que l'enfant l'a guéri quand il a le corps. Il a un esprit de divination, il faut le délivrer. Vous avez bien compris. Même si les gens se fâchent, c'est quand même la vérité. C'est la vérité de la Bible. Les seules personnes qui ont le don, et donc, ce n'est pas le don spirituel ici, c'est le don de leur esprit, parce que leur esprit est comme ça. Ce sont les prophètes seulement. Parce que les prophètes naissent comme ça. Vous savez, pour avoir le don spirituel, c'est dans l'Église. La Bible déclare que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, il n'y a pas de don spirituel sans le Saint-Esprit dès le départ. Si vous avez les dons spirituels avant, dans votre naissance, sans que vous ne soyez prophète, vous êtes possédé. C'est ainsi parle la Bible. Parce que la Bible déclare, répentez-vous, changez de comportement, votre façon de penser. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, le don vient. Et vous recevrez ce don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Même les apôtres qui marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ, là, ils n'avaient pas ça. Même de son vivant, ils marchaient, ils n'avaient pas. Jusqu'à Jésus dit, restez ici à Jérusalem jusqu'à ce que mon Père envoie sur vous ce qu'il a promis. C'était une promesse. Donc ils n'avaient pas, ils ne sont pas nés avec le Saint-Esprit, d'accord? Tu as compris, ma chère? Que Dieu vous bénisse. Des questions? Oui. Je voulais vous poser une question. Oui. Par rapport à Acte 2, verset 38. Acte 2, 38, oui. Oui. Quand Pierre dit, Pierre leur dit, repentez-vous et chacun de vous sera baptisé au nom. Oui. Maintenant, je pense dans Luc, dans les évangiles, il y a Jean-Baptiste qui dit, repentez-vous et poussez des fruits de la repentance. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il veut exactement dire par là. Ça veut dire que si tu te repens, repentance, ça veut dire en grec, repentance, c'est métanoïa. Ça veut dire changement de mentalité, changement de direction. Mm-hmm. Tu as envie de te diriger comme ça. On te dit, change de façon de vivre. Mm-hmm. Quand tu dis change, on ne peut pas entrer de te diriger dans le trou. On dit que si tu avances comme ça, tu vas entrer dans le trou. Tu dis que oui, j'ai compris, franchement, il faut que je mette ma voix en ordre. Mais tu continues toujours à avancer. Quand il dit, repentez-vous, produisez le fruit digne de repentance, ça suppose qu'il faut qu'il y ait la preuve que tu as changé de comportement. C'est ça que l'on a dit. Dans le nom de Dieu, c'est la même chose alors. En fait, non, c'est pas la même chose. C'est que c'est là une continuité. Les Juifs, avant que Jean-Baptiste ne vienne, les gens vivaient n'importe quoi. Il y a les Sadduciens qui vivaient n'importe quoi. D'accord? Quand les gens viennent vers Jean-Baptiste, dit, que ferons-nous? Il dit que celui qui a deux vêtements, ou tu vois cela, donne-en un à celui qui n'en a pas. Ça suppose qu'il partait au temple chaque jour, mais chacun avait sa chose. Dieu ne voulait pas ça. Il faut qu'il y ait une communion entre eux. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de l'enseignement tout à l'heure. Et on dit, ok, si tu dis que tu t'es repenti, il faut que la responsabilité de ton prochain qui souffre soit aussi ta responsabilité. Il faut prouver que tu as eu un changement. Donc maintenant, repentir en quoi? C'est-à-dire, moi qui étais chiche, si va maintenant quelqu'un, je donne. Le fait qu'il donne maintenant montre que j'ai compris qu'il faut que je change mon état, ma façon d'agir. C'est le fruit digne de la repentance. Quand vous vous repentez, on ne peut pas vous dire que je me suis repenti. La boîte de nuit où tu partais, tu continues toujours à partir. Tu te repens, tu vivais avec un homme non marié. Tu dis que non, je continue à vivre avec lui, non, il dort. Il prie que Dieu veuille me révéler. Dieu t'a dit change. Parce que ça, c'est mauvais. Quand il dit change, ça veut dire qu'à cet instant où tu as compris, tu dois arrêter là. Vous comprenez cela? Si tu es au bord d'un puits, tu dois te même dire que non. Si je ne change pas le comportement, tu vas te mettre dans le puits. Tu dis que non. Je vais avancer, je vais voir si Dieu va me révéler que je vais sortir du puits. Tu vas continuer, tu vas voir là où tu vas te retrouver. Donc, quand tu entends l'évangile tel que c'est là, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 3 que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, quand le Saint-Esprit parle à cet instant-là, tu dois prendre l'engagement. L'engagement, et c'est pour cela que le baptême est un signe, est un moyen clair pour montrer clairement si tu as cru. Quand on prêche, si tu crois, Jésus, si tu crois, tu dois être baptisé pour montrer que tu as changé. Le reste maintenant, tu marches en nouveauté de vie. Les enseignements sont faits pour grandir. J'ai touché le prophète maintenant. Allons-y. Il a dit que la femme de l'apôtre Paul, la mère de l'apôtre Paul, s'est baptisée. Bon, en fait, moi, mon problème, c'est lorsque vous dites, par exemple, la repentance, le changement de la marche auquel tu veux vivre. Oui, c'est ça, la repentance. Mais lorsque, par exemple, on nous a souvent appris que la repentance était le pardon de ses péchés. Non, c'est pas cela. Mais donc, alors, c'est pas ça. C'est quoi Suis attentivement. Le pardon du péché, c'est Dieu qui accorde. Ton rôle, c'est de se repentir, repentir. Tu comprends? Je comprends bien ta question. Il y a deux personnes ici. Il y a la personne contre qui tu as offensé. Tu lui demandes pardon. S'il te l'accorde, ça te produit la repentance. Parce que quand tu commences à pécher, tu vis dans le péché, tu es dans le lien du péché. Le péché te tient, ça te pousse à aller dans les dérèglements. Quand Dieu t'accorde la repentance, quand il t'accorde la repentance, la puissance du péché est brisée. Ça te permet maintenant de vivre comme il veut. On dit donc que tu t'es repenti. Tu comprends cela? 2 Thessaloniciens, 2 Timothée. Prenez 2 Timothée. 2 Timothée. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. 2 Timothée. Chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Lisez le verset 23, mon cher, et suivant. Jusqu'au verset 26. Allons-y. Repousse les discussions folles et inutiles. Oui. Sachant qu'elles font naître des querelles. Oui. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Oui. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous. Oui. Être propre à enseigner. Oui. Doué de patience. Oui. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Oui. Avec l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Vous avez vu, non? Que Dieu va leur donner la connaissance. Dieu va leur donner quoi? La repentance. Oui. Pour arriver à la connaissance de la vérité. Oui. Et que, revenus à leur bon sens, oui, ils se dégageront des pièges du diable. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Que c'est emparé d'eux. Donc toute personne qui s'oppose à la vérité a été emparée. Le diable s'est emparé de cette personne. Donc quand tu dis pourquoi, il ne parle même pas à quoi, il ne croit pas. Il faut que Dieu lui accorde la repentance pour qu'il revienne à son bon sens. Si Dieu ne lui apprend pas la repentance, même si tu dis n'importe quoi, ça ne changera rien. En fin de compte, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Venez t'asseoir ici, mon frère. Comme ça, celui qui s'assoit là-bas, les deux s'asseyent ici. Venez, venez, venez. Bonne arrivée. Merci. Dieu bénisse. Frère, assieds-toi ici. Assieds-toi là, garçon. Attends, garçon, je suis ici. Viens me t'asseoir ici. T'asseoir ici. Quand tu vas poser ta question dans cette façon, on va entendre. Bonne arrivée. Mais vérifiez que votre téléphone soit fermé. Oui, des questions? Oui, moi, c'est plutôt un truc qui s'était passé à la maison. Oui. Oui, mon petit frère était allé à l'Alliance. Quelle Alliance? L'Alliance des Alliance chrétienne. C'est une dénomination aussi. Une dénomination. Oui. Oui, bon, au sorti de là-bas, il était revenu. Il y avait une scène qui l'avait intrigué. Oui. Donc, il était venu me voir. Il m'avait fait comprendre qu'il y avait une dame qui s'était assise à un endroit où elle n'était pas permise. Oui. Que c'était un endroit plus ou moins réservé, oui, pour les gens du protocole. Oui. Et comme papa, il est chef de la sécurité. Oui. Donc, c'est comme ça que... Papa est venu le porter dehors. Non, c'était pas papa qui était chargé cette fois pour aller. C'était une dame qui était allée voir la femme en question. Mm-hmm. Bon, la femme en question avait dit dans la place, dans l'église de Dieu, il n'y a pas... De place. Celle qui était assise là. Celle qui était assise avait pensé que dans l'église de Dieu, il n'y a pas de place. Oui. Mais... Mon petit frère s'était intéressé à la dame qui était restée et quelques temps après elle-même elle est quittée d'elle-même. Oui. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il est venu me dire la scène. Oui. Bon, moi j'ai pris Jacques, chapitre 2. Oui. Voilà, là où on disait que effectivement on doit pas faire les dissections des personnes. Mm-hmm. Bon, c'est comme ça. Bon, papa il était de côté à la chambre, il écoutait plus ou moins ce qu'on disait. Oui. Et c'est comme ça que j'essayais de demander à papa que toi qui as la sécurité. Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que vous faites? C'est normal. Bon, oui. Il m'a pas renvoyé. Dans 1 Chronique, oui, au chapitre 26, il m'a dit demander de lire non, ça. Non, non, non, 1 Chronique n'a rien à voir avec l'église. Même si il y a n'importe quoi, on ne lit pas concernant l'église. Parce que l'église a son fonctionnement. Le ministère a envoyé, c'était du ministère. Quel ministère alors? C'était ministère de la sécurité. Ministère de la sécurité. Voilà, non, ça ne se trouve pas dans l'église. Il n'y a pas de ministère de sécurité dans l'église. Des portiers. Des portiers. Non, non, non, des portiers, on les appelle les Kehat. Il y a Kehat, les enfants de Merari, qui sont les Kehat. Ce sont les portiers, ce sont les Lévites. Pour être portier dans l'Ancien Testament, il fallait être lévite. Ça, c'est l'explication que dans l'Ancien Testament, il y avait les portiers. On les appelle les Kehadites et les Merari. Dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Donc, laisse-moi tranquillement parler, c'est mon devoir. Vous allez arrêter avec les rôles dans l'église que vous avez introduits qui ne s'y trouvent pas. Il y a le ministère des chants. Vous devez arrêter cela. Le ministère des formateurs des enfants de l'école du dimanche. Vous devez arrêter. Le ministère des gardes du corps des pasteurs, vous devez arrêter. Le ministère des balayages de l'église, vous devez arrêter. Le ministère des... Je suis le portier avec le sécuritaire, le talkie-walkie pour suivre ceux qui entrent sur la bombe. Vous devez arrêter cela. Parce que la Bible déclare que l'ange du Seigneur campe au secours de ceux qui le craignent. Il n'y a pas ça, ce ministère, dans l'église du Seigneur. Je ne sais pas comment vous pouvez vendre votre droit de naissance comme ça. Le ministère du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, c'est le ministère de l'Esprit. Tu ne peux pas prendre 1 Chronique, c'est pas seulement dans 1 Chronique où ça se trouve, dans 1 Roi ça se trouve. Parce que c'est David qui a prescrit comment les différentes tâches de fonction devaient être. Il y avait Jédutoum là-bas avec le tour de sa cohorte qui devait jouer la harpe devant l'Éternel. Quand l'âge de l'Éternel se passe, Jédutoum passe là-bas avec tous les autres là-bas pour pouvoir jouer. On ne peut pas trouver ça dans la Nouvelle Alliance, ça ne se trouve pas. Il y a la Nouvelle Alliance a ses prescriptions. On ne peut pas vouloir faire quelque chose pour la Nouvelle Alliance, vous dites que non. Salomon avait dit que ce n'est pas Salomon qui a prescrit quelque chose parce qu'il ne connaissait rien de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est venue. Jésus a dit, je bâtirai. Donc c'est devant. Donc pour regarder quelque chose de l'église, ce n'est pas derrière. C'est devant. C'est après Matthieu qu'il faut regarder. Parce qu'il a dit à Matthieu 16, je bâtirai mon église. Si tu dis que tu es dans l'église du Seigneur, regarde devant. À partir de Matthieu 16, en montant. Tu vois, tout ce que vous allez voir, c'est là-bas dedans. Si vous rentrez là à l'intérieur, vous allez voir Salomon qui bâtit le temple. Il dit, Salomon bâtit le temple. Il a dit aux gens de l'emmener. Salomon a bâti le temple de là-bas. Jésus bâtit le temple de l'Éternel parce qu'on avait dit en prophétie que celui qui va bâtir à Dieu une maison stable. Il est venu surveiller la maison stable qu'il a déjà bâtie. La manière qu'il bâtit, il dit dans Éphésiens chapitre 2, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Le fondement, c'est les apôtres. L'apôtre Paul a dit dans Actes chapitre 20, il dit, Actes chapitre 20, souvenez-vous de ceci. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien caché. Donc, s'il y a un conseil à savoir, les apôtres l'auront dit. Il n'a pas dit que les Salomon a ajouté. Il dit que j'ai posé la fondation comme un chargeur architecte. S'il dit qu'il a posé la fondation, ça veut dire qu'avant ça, il n'y avait pas de fondation. Il a posé la fondation. Et un autre bâti dessus. Donc, à partir d'eux, ça doit plutôt progresser. On ne rentre pas en arrière pour voir l'ombre et le dessin qui était sur la plaque. On se comprend? Voilà. Donc, papa, ta place de sécurité n'a pas de place dans l'église du Seigneur. Ça a dans l'entreprise que vous appelez Alliance, quoi là? Ça, c'est l'entreprise de cet homme-là. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne te connaît pas comme sécurité parce qu'il n'a pas besoin de sécurité dans son assemblée. Comment ma soeur? J'ai Je disais que tout c'est à travers ces enseignements, nous, justement, nous devons prendre des décisions. Absolument. Par rapport au Seigneur. Moi, absolument. Je pense que ces rôles-là qu'on avait pour habitude de jouer, donc ça dépend certainement de tout un chacun, par rapport à la manière dont on a appréhendé le cours. Moi, je pense que par rapport à ce qui a été dit, tout a été écrit dans la Bible. Donc, ce n'est pas des choses inventées, puisque quand vous nous enseignez, vous nous ramenez dans la parole. Et moi, je pense qu'au travers de cela, il faudrait bien que nous mettions en pratique. On n'a pas le choix. Si quelqu'un ne met pas en pratique, il a de se tromper lui-même. On a vu ça ici. En se trompant, on ne trouve même pas le faux réseau. Donc, tu ne penses pas que même David avait fait telle ou telle chose. David n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus. Ceux qui ont à voir avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est que si vous voulez faire n'importe quoi, posez toujours la question. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont-ils fait cela? La question là doit être répondue. Parce que Jésus a quitté la scène, il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a dit ça, non? Oui. Les disciples ont fini la Bible, ils ont déposé. Oh, le pasteur a dit qu'on perd, on perd la dîme. Jésus a-t-il prescrit à ses disciples et à ses apôtres d'enseigner aux chrétiens de payer la dîme? Non. Vous devez répondre à cette question. Jésus a-t-il dit aux apôtres que enseignez-leur la dîme? Ont-ils enseigné quelque part? Non. C'est que vous faites la sorcellerie seulement avec Jésus là. Donc vous devez savoir que chaque fois vous devez répondre à cette question aussi. Jésus et ses disciples l'ont-ils enseigné? Ça doit être répondu. Si ce n'est pas ça, vous prenez donc ça. Ouh. On a venu de voir les sacrifices ici, non? Quand tu as vu les sacrifices, n'est-ce pas c'est contraire avec tout ce qu'on a tu as enseigné là-bas? Mais c'est la Bible ça. Tu peux pas donner n'importe quel sacrifice, il n'y en a que 4. Tu peux pas donner un cinquième, c'est ton problème. En fait, tu ne peux même pas donner parce que tu peux pas donner en disant que j'obéis à Dieu. Parce que pour obéir à Dieu, garder, il dit, c'est quelqu'un même qui garde mes commandements. C'est ce qui est écrit là-bas. Et je ne peux pas m'éloigner de la Bible parce que si je m'éloigne de la Bible, je ne peux pas savoir comment m'en sortir. Je veux dire quelque chose, il faut que ça soit conforme là-dedans. Et seulement là-dedans que ça se trouve. C'est pour ça que chaque phrase qui sort de ma bouche, vous voyez souvent, je parle après subitement, il dit tel verset. Je parle, je dis tel passage. On ne peut pas faire autrement. Parce que la Bible déclare qu'un envoyé de Dieu dira les paroles du Seigneur. Comment tu vas aller parler du Seigneur sans dire sa parole? Tu parles de sa parole et d'autres tu parles même, ça contredit ça, la parole du Seigneur. C'est quand même terrible. C'est terrible. Si tu tombes, tu restes là-bas en tant que sécurité, tu tombes là-bas, tu meurs, on va dire que quoi? Que tu es mort dans l'église de Dieu? Non, non, non. C'est que tu es mort dans le tombeau. Parce que ça, c'est le sépulcre blanchi.